pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler de la Ligue nationale de hockey. Au moment où on enregistre le reportage, l'entrevue, c'est 3-3, je pense, entre les Sénateurs d'Ottawa et l'Avalanche du Colorado. J'ai pas regardé dans les dernières secondes. Samuel Girard, une passe. 3-2. Okay. On en parle avec Phil Desgagnés. Salut, Phil. Salut. Phil, es-tu surpris que Samuel Girard ait été changé? Moi, j'ai été vraiment... Écoute, quand il y a une transaction entre Colorado et Ottawa, il n'y a rien de surprenant parce que ça fait longtemps qu'on entend parler que les trois équipes travaillent ensemble pour une transaction. Mais que le nom de Samuel Girard figure là-dedans, est-ce que tu as été surpris? Oui et non. Oui. Dans le cas de Samuel Girard, je pense que ce qu'il avait, les rares matchs qu'il a joués dans la Ligue nationale de hockey, avaient donné des résultats tout à fait exceptionnels. Et on sait très bien que certaines formations recherchent de bons jeunes défenseurs, ce qui est une denrée rare dans la Ligue nationale de hockey, il faut l'avouer. Et je pense que tu peux pas obtenir également un joueur de la qualité de Duchesne dans une transaction sans mettre des choix de repêchage ou des joueurs importants. C'est exactement ce qui est arrivé dans cette fameuse transaction. Samuel Girard est un joueur qui a fait ses preuves rapidement dans la Ligue nationale, il a démontré qu'il pouvait jouer dans ce calibre-là malgré le physique qu'il a, parce que c'est toujours la question que tout le monde se pose. Avec le physique qu'il a, est-il capable de jouer ou non? Là, je pense qu'il a fait rapidement la preuve lors de ses matchs. Et dans le cas de la formation de Nashville, c'est une équipe actuellement qui a des joueurs qui sont à leur summum. Donc, eux sont pas loin d'aller passer au talent final. Ils veulent aller un peu plus loin. Ils veulent obtenir un joueur d'attaque important. C'est Kyle Turris. Et dans la transaction avec Ottawa, eh bien, c'est un peu ce qui s'est produit. Des joueurs clés ont changé de main, mais du côté de l'Avalanche du Colorado, ce qu'on recherchait, c'est des jeunes joueurs et des choix de repêchage. C'est exactement ce qu'ils ont trouvé en Samuel Girard. Mais ils ont payé cher. Hein? Mais l'Avalanche a obtenu, c'est incroyable ce que l'Avalanche a obtenu. Là-dedans, c'est des premiers choix. Écoute, c'est quand même pas Sidney Crosby là, qui s'en vient à Ottawa. Là. Je suis d'accord avec toi, mais dans le cas des Sénateurs, c'est comme n'importe quoi. Eux se disent Carlson est à son meilleur, Anderson est à son meilleur. Ouais. On a des joueurs qui sont actuellement à leur sommet. Donc, si on veut à progresser et rapidement, dans le cas d'Ottawa, il fait une couple d'années que, malheureusement, ça donne pas nécessairement les résultats escomptés. Un joueur comme Matt Duchesne leur apporte un élément important. Et dans le cas de Kyle Turris, on voulait pas lui signer un contrat à long terme à 6 millions par année. On l'aurait perdu quand même pour une bouchée de pain comme joueur autonome. Donc, on a décidé de passer à la transaction. Et Ottawa semble très heureux avec cette transaction. Phil, avant de parler des fêtes du 100e anniversaire, comment t'as trouvé la Ligue nationale, Carey Price, est-ce que ça commence à ressembler à v'là 2 ans? Écoutez, quand tu vois l'entraînement, il travaille avec ses genoux. Ça ressemble énormément à la blessure qu'il a déjà subie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, personnellement, je pense que c'est un peu ça actuellement qu'on regarde. Le Canadien était chanceux parce que Lindgren a fait le travail tout à fait exceptionnel dans les dernières rencontres. Oui, ils ont perdu le jeudi soir 3-0. Il faut admettre que sans Drouin et sans Shea Weber, c'est pas une équipe qui est flamboyante. Donc, à ce moment-là, Minnesota a quand même une bonne équipe de hockey. Oui, il manquait des joueurs importants du côté de la formation, mais ça demeure quand même, je pense... comme moi, personnellement, du côté du Canadien, un point d'interrogation important, l'absence actuellement de Carey Price. Parce que Willenberg peut faire un travail, mais il n'y a rien prouvé pour dire sur une longue haleine. Le Canadien signe un contrat à long terme avec Carey Price, simplement parce qu'il va faire leur gardien numéro 1. Puis ils savent que demain matin, il ne peut pas transiger ce joueur-là au salaire qu'il gagne actuellement. Là. Quand il rêve en couleur échanger Carey Price, là, à 10 millions par année, il n'y a pas grand club qui va se permettre ça. Puis, comme je dis à Marc Forti cette semaine, le Canadien, c'est Lindgren fait bien, mais le Canadien va aller aussi loin que Price va t'emmener. Ah, il n'y a aucun doute là-dessus. T'sais, écoutez, Lindgren, même la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai écouté un match où Lindgren était toujours avec le Rocket de Laval. Ouais. Il ne connaissait pas un grand début de saison avec le Rocket de Laval. Loin de là, là. Donc, sa moyenne était très élevée, son pourcentage d'arrêt également était très élevé. Mais, écoutez, Il est arrivé à Montréal, il est tombé dans des bons éléments, ça a bien fait, mais c'est un gardien d'avenir, ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Mais il y a besoin encore de milliards, parce que moi, je suis convaincu, aussitôt que Price revient, oubliez ça, Lindgren, là, il va retourner dans les Américaines, c'est pas qu'il va être l'adjoint de Carey Price, parce que Price est numéro un, puis il va demeurer numéro un, ça, il n'y a aucun doute. Hey, Phil, comment t'as trouvé, je sais pas si t'as vu ça, la célébration du centième de Ligue nationale. Moi, t'as qu'à avoir une affaire de même, je dirais à Gary, garde-les tes célébrations. Moi, je trouve que c'est un même. Écoute, réunion des directeurs généraux, aréna du centenaire, exposition des portraits des 100 plus grands joueurs, mise au jeu protocolaire, mettant vedette des joueurs du temple de la renommée, puis dimanche, c'est aréna du centenaire, pour les partisans au Centre Bell, puis l'exposition des portraits des 100 plus grands joueurs à la gare Windsor. Pour un centième de la Ligue nationale, là, Gary, là, il aurait pu se forcer un peu. Mettons qu'ils ne se sont pas forcés pour trouver de l'originalité. Tu sais. Mise au jeu avec Yvan Cournoyer, puis. Non! Écoute, il n'y a rien pour attirer des gens au Centre Bell. Non! Il n'y a rien également pour attirer tous les médias de la Ligue nationale de hockey pour un tel événement. Moi, je pense que quand on joue un match à l'extérieur, un match important, il y a plus d'engouement, il y a plus d'organisation, mais honnêtement, ça m'a pas impressionné. Et ça attire pas l'attention tant que ça quand tu regardes ça. Là. À Montréal, là, le Canadien, c'est important, on met 12 pages là, pour le Canadien. Ouais. On fait encore 12 pages pour le centenaire de l'international. Ça changera rien là, au moment où on se parle. Donc, moi, personnellement, je pense que la Ligue nationale de hockey a raté le bateau. Puis moi, je crois qu'on n'était pas bien préparé, puis où on a pas mis les énergies. Alors, Daniel Sala est capable de faire beaucoup mieux que ça. Ben oui! Un événement comme il va se présenter à Montréal. Mais Phil, c'est un manque de respect encore. Moi, je dis souvent, c'est un manque de... Tu sais, la Ligue nationale vit beaucoup à cause du contrat de Sportsnet et également avec Rogers. Et là, et encore une fois... là, on nous demande, en tout cas, Gary Bettman, le respect pour le Canada, les équipes canadiennes, également l'histoire de l'instant. Il a l'air à s'en foutre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je pense que dans le cas de Gary Bettman, là, il a mis de l'argent à tonnes dans les poches des propriétaires. Ouais. Avec les droits de TV. Je pense que c'est son grand coup, puis il vit là-dessus encore. Puis les propriétaires ne peuvent pas grandir grand-chose pour une raison. Il a rempli leurs poches. Mm. Donc, il leur met de l'argent dans ses poches. Les petits marchés réussissent à survivre parce que, à cause de la parité, à cause des montants d'argent que certains clubs doivent verser. Donc, à ce moment-là, il a fait le travail que les gens d'affaires autour de la Ligue nationale exigeaient. Le côté cérémonial, le côté glamours. Écoute, aux États-Unis, là, depuis plusieurs années, le hockey 5 et 6e, là, ouais. Ils sont encore 5 ou 6e, puis ils n'iront jamais plus haut que ça pour l'instant, tant qu'on ne fera pas des événements particuliers ou on trouve pas une formule pour essayer d'améliorer. Donc, moi, personnellement, je suis pas surpris. Bettman, il est là pour une question de travail et d'originalité, mais rien d'autre que ça, là. Ouais, c'est clair. Phil, on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, c'est le commentaire de Phil.